À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée, la direction d'édition des timbres d'État a mis au point un timbre individuel. À la partie supérieure du timbre, on voit les inscriptions « Le 70e anniversaire de la fondation de l'Organisation des enfants de Corée, l'an 35 du juillet 1946 et l'an 105 du juillet 2016 ». Au centre, on représente les enfants coréens joyeux et vigoureux avec les mots « Soyez les futurs piliers d'une Corée puissante et prospère ».